Au fil de l'eau, avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Bonjour et bienvenue sur Fadjet pour votre chronique au fil de l'eau en compagnie de François. Bonjour François. Bonjour. Chargé de développement pour la Fédération de Meurthe-et-Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Et ce mois-ci, nous accueillons aussi en studio Clotilde Cochet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de communication de la ville de Liverdun. Liverdun qui organise dans quelques jours maintenant, le 11 juin précisément, détente au bord de l'eau avec plein d'activités, plein d'animations. L'occasion de découvrir un site apprécié des pêcheurs. N'est-ce pas François ? Oui, tout à fait. Alors la commune de Liverdun, on travaille pas mal avec depuis quelques années. Ça s'est concrétisé, ce travail de partenariat, par l'obtention de deux labels. Donc le label Parcours Famille, qui est un label national qui identifie des parcours de pêche qui sont adaptés aux attentes du public familial. À travers ça, on fait des animations. Donc on va en reparler avec Clotilde. Hein. Chaque année, on apprend aux familles à pêcher. Et la commune de Liverdun, elle a aussi le label Station Verte et le label Station Pêche. Donc la belle Station Verte, c'est, ça identifie, tu m'arrêtes si je dis des bêtises Clotilde, des communes voilà, à taille humaine, on va dire, qui sont engagées dans une démarche de développement écotouristique. Peut-être pour faire un peu le portrait de Liverdun, alors pour celles et ceux qui ne seraient peut-être pas encore allés, c'est un lieu assez atypique, assez vert, assez marqué d'histoire aussi, Clotilde. Oui, alors Liverdun, il y a plusieurs caractéristiques. Déjà, on a une position géographique un peu rêvée, hein, puisque le village ancien domine la boucle de la Moselle, à un endroit où elle forme justement sa plus jolie boucle. Le village médiéval est un site où on a quand même 13 monuments classés, de quoi voir et de quoi apprendre, puisqu'on peut découvrir en fait ce patrimoine par le biais d'un circuit interactif, donc en visite libre, n'importe quand. Et puis donc, on a des points de vue depuis le village sur cette boucle de la Moselle qui sont assez, assez jolis, notamment depuis le parc du Château Corbin. Alors, l'autre côté de Liverdun, c'est la pleine nature, avec 75% du territoire communal qui est recouvert de forêts. Et puis ces bords de Moselle, qui autrefois étaient très très prisés puisqu'il y avait des plages, donc aujourd'hui c'est différent. On peut en profiter donc pour pêcher, hein. Ça a toujours été un site de pêche très très important. Et on peut s'y balader à pied, à vélo, puisqu'on a une voie verte aménagée. Donc ce sera l'occasion le 11 juin notamment eh bien, de découvrir ce site et avec en plus de nombreuses animations sur place. Comment s'est fait ce lien ? On voit que c'était naturellement un lieu de pêche. Comment s'est fait l'aménagement avec la fédération et ce partenariat ? C'est en fait au cours de réunions et de discussions qu'on a pu avoir un petit peu par hasard entre guillemets. Effectivement, la situation géographique de Liverdun et les aménagements qui étaient déjà présents sur le parcours de pêche qui est situé au bord de la Moselle, donc devant le camping de la Moselle, hein, faisait que ce parcours de pêche-là remplissait déjà une bonne partie des critères qui étaient exigés pour l'obtention du label famille. Hein. Il y a le label de parcours de pêche en famille est un label national défini par la Fédération Nationale de la Pêche en France, la FNPF, et donc qui identifie, hein, ce qu'on a dit, des parcours qui sont adaptés aux attentes des familles. Il faut qu'il y ait des activités aussi pour les accompagnants, hein, à l'extérieur, oui. Alors les papas ou les mamans, les non-pêcheurs, entre guillemets, ou les autres enfants, les grands-parents, tout ce que vous voulez. Donc des terrains de loisirs, multisports, des jeux pour enfants, un accès à des toilettes, hein, c'est important, à un abri aussi en cas de mauvais temps, d'orage, etc. Une facilité d'accès, enfin tout un tas de critères, voilà. C'est vrai que Liverdun, par sa situation géographique et les aménagements du parcours, remplissait quand même déjà pas mal de critères. Après, je tiens quand même à souligner, je le répète toujours, mais la motivation et l'allant politique de la commune, qui a vraiment travaillé avec nous, qui croyait en développement du tourisme pêche et du loisir pêche. Et pour ça, ça fait plaisir quand même quand on a des collectivités aussi qui croient en ça quoi, et qui sont motivées à développer ce loisir-là. Ça fait 10 ans en fait maintenant aujourd'hui qu'on bosse ensemble là-dessus. Ça a commencé quand la ville a souhaité aménager la zone de loisir. En fait, on avait commencé à mettre des choses et puis on s'est dit ben ouais, mais pour pêcher, ce serait vraiment bien que ça soit vraiment accessible à tous. Et c'est là qu'on a commencé à travailler ensemble avec la fédération et puis aussi l'association locale, la PPMA, et qu'on a voulu créer son ponton de pêche aménagé pour les personnes handicapées. Et donc ça a été en fait, si vous voulez, notre première rencontre. Après, on a fait ensemble le parcours pédagogique. Au départ, il s'appelait comme ça, puis il est devenu labellisé après. Et puis un jour, on s'est dit, mais avec l'histoire de l'Yverdun et de la pêche, ce train des pêcheurs qui venait le week-end, les gens de Nancy qui venaient, on s'est dit, il y a un truc à faire. Et nous, on était Station Verte. On a découvert qu'une à deux années en amont, ils avaient fait une association entre la Fédération des Stations Vertes Nationales et la Fédération de Pêche Nationale pour justement créer cette offre écotouristique, bien sûr, mais du loisir pêche et de le faire découvrir à tout le monde. Donc, on était dans un créneau familial, on s'est lancé, on a bossé vraiment beaucoup quand même pour monter notre dossier. Et puis, on est passé. On est passé du premier coup, donc avec un élu qui l'a vendu, avec François, avec voilà. Voilà, donc maintenant concrètement sur place, eh bien on trouve de vrais aménagements, un ponton accessible aux personnes handicapées. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre pour accueillir ces pêcheurs et ces pêcheurs en herbe aussi beaucoup? Alors Clotilde parlait de chemin pédagogique, c'est vrai qu'on a installé 11 panneaux tout au long de la Moselle pour présenter alors à la fois des espèces de poissons, mais aussi certaines espèces inféodées au milieu aquatique, hein, je pense au héron cendré ou au martin pêcheur, mais aussi expliquer la pêche en Meurthe-et-Moselle ou le fonctionnement d'une rivière. Hein. Alors c'est des panneaux très simples, orientés à 45 degrés, qui font 80 cm de haut, donc qui sont accessibles en lecture à des petites tailles, vous me voyez venir, donc à des enfants et à des familles. Et dans un deuxième temps, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a travaillé avec les services techniques de la commune, qu'on remercie encore, de manière à sécuriser l'accès aux berges et au bord de l'eau de la Moselle, donc devant le camping, encore une fois, avec la création de petits escaliers. Alors quand je vous dis des escaliers, attention, on n'a pas bétonné, hein, on a fait ça dans le respect de la protection des berges et du cours d'eau. C'est juste tailler quelques marches pour accéder de manière sécurisée au bord de l'eau, et puis renforcé par des rondins en bois pour que ça soit un petit peu durable. Au-delà des aménagements, il faut que ce parcours y vive aussi, et pour vivre, eh ben, il faut le faire vivre, et c'est pour ça qu'on fait des initiations à la pêche en famille, où on revendique un petit peu, Clotilde, la paternité du concept d'apprentissage de la pêche familiale. C'est vrai, c'était une bonne idée que, en fait, c'est vous qui l'aviez eue, hein, toi, et puis merci. Antoine, et puis Antoine Nagiel aussi, hein, qu'on ne faut pas qu'on oublie. Voilà, Antoine qui est le président de la PPMA Pêche et Nature du Toulois, qui gère le parcours sur la Moselle. Oui, voilà, donc lui gère notre parcours, et puis aussi, quand on fait ces initiations-là, eh bien, il vient avec ses bénévoles, et c'est vraiment très, très agréable, et c'est des moments privilégiés. On a commencé petitement. La première année, on a dit, bon, on essaye, on en a fait deux, je crois, une en juillet ou en août. Donc, on cale ça sur la saison estivale. Et puis, chaque année, on en rajoute. On en rajoute parce que ça plaît énormément. Les familles sont vraiment très, très heureuses d'apprendre. Et on a beaucoup de demandes. Et ces initiations, donc, cette année, vont revenir. Ça sera donc pour la période estivale. Ça commencera quand? Est-ce qu'on peut déjà s'inscrire? Est-ce qu'il y a déjà des dates? Alors, il y a des dates. Les inscriptions vont être ouvertes très prochainement. Là, ça sera sur le site de la Fédé, donc www.pêche-54.fr, à la rubrique Animation fédérale. Clotilde, tu te laisses donner les dates de l'été? Oui, voilà. Alors, sans inscription, en tout cas, le jour même, donc on en parlera tout à l'heure, mais on aura déjà la première date, ça sera le 11 juin après-midi. Oui. Mmh. Et dans l'été, donc les dates pour lesquelles il faut s'inscrire sur le site de la Fédé, c'est le mercredi 20 juillet. Donc là, ce sera en matinée, 9h30, 11h30. Le vendredi 16 août, de 17h à 19h. Et enfin, le mercredi 7 septembre, juste avant de rentrer à l'école ou dans les tout premiers jours, de 14h à 16h. Alors, ces animations sont ouvertes aux enfants à partir de 7 ans. Voilà. Et bien sûr, le but est de venir avec les parents. Ou les grands-parents. Oui, avec des adultes. Et que chacun apprenne en même temps. C'est le but du jeu. Et puis, ça donne aussi peut-être parfois à des parents qui auraient peut-être quelques souvenirs de leurs grands-parents qui les auraient emmenés, et ben du coup un peu de possibilité d'y retourner eux-mêmes avec leurs enfants plus tard et partager des bons moments au bord de l'eau. Voilà, l'idée c'est d'autonomiser un petit peu la pratique et que les parents puissent bénéficier des conseils des animateurs. Je rajoute que le matos, donc le matériel de pêche est fourni évidemment, on fournit les appâts, l'amorce, la carte de pêche qui sera à 1 euro. Donc, il faut juste payer 1 euro pour ces animations. C'est presque gratuit. Mais on a un système de passe-pêche. Donc, c'est les associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques ou la FEDE. Quand on fait des animations, on a ce système de carte de pêche à la journée qui coûte 1 euro donc, pour les animations. J'en profite pour dire qu'une carte de pêche pour les enfants de moins de 12 ans, ça coûte 6 euros pour l'année, donc c'est pas très cher. C'est très raisonnable. Venons-en à votre actualité toute proche. Hein. On a parlé de l'été, mais là, le 11 juin, et vous l'avez déjà évoqué, il va y avoir cette journée pour une journée de détente au bord de l'eau, la fête de l'écotourisme à Liverdin. Beaucoup d'animations, ce sera de 14h à 18h, donc devant le camping. L'occasion de découvrir ce site. Qu'est-ce qui nous attend ce jour-là, alors ? Alors, en fait, on a envie de vous présenter ce qu'on peut faire, très simplement, dans le calme, avec ce qu'il y a autour de nous, simplement. On peut marcher, bien sûr, parce que la commune, ça fait 4 ans qu'on bosse là-dessus. On a réhabilité 80 km de sentiers balisés, de promenades, qui sont totalement sécurisés dans tout le territoire de Liverdin. Il y a des morceaux en forêt et il y a bien sûr des morceaux au bord de l'eau. Donc là, vous serez accompagnés hein, par des guides, oui. Par des membres du club de randonnée de Liverdin, pour vous faire découvrir des petits parcours de 9, 4 km, 3 km au choix, toujours au bord de l'eau, avec des jolis points de vue sur la Moselle, cachés entre les feuilles, au calme. Donc on marchera. On pourra découvrir aussi l'ultimate, qui est un sport qu'on peut pratiquer un peu partout. Il suffit d'avoir donc le frisbee qui va bien. Vous allez pouvoir, parce qu'on disait tout à l'heure que à Liverdin, il y a une piste cyclable qui est très intéressante, qui relie tout la Nancy. Et donc il y a beaucoup beaucoup de personnes qui viennent à vélo sur ce tronçon là. Notamment les campeurs, hein, parce qu'il y a un camping à Liverdin, et là en ce moment il est déjà bien plein, il est très fréquenté par les Hollandais, les Allemands, qui sont des adeptes du camping-car et des vacances à vélo. Du coup, on aura un atelier de réparation de vélo, et puis bien sûr on va pêcher. Bah oui, on va pêcher un petit peu en famille avec Antoine et ses bénévoles et avec moi-même, hein, je serai présent. Donc il y aura de la pêche au cou, de l'initiation à la pêche en famille, on en a parlé. Il y aura aussi un simulateur de pêche. Ah, qu'est-ce que comment c'est un simulateur de pêche ? Ah bon ? Un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo à taille réelle, grandeur nature. Donc je vous invite à venir voir ça, c'est assez funky. On a une fausse canne à pêche alors ? Alors c'est une vraie canne à pêche. D'accord. C'est une vraie canne à pêche, un vrai fil qui est relié en fait à un système de moteur. Donc c'est un appareil sur lequel t'attaches ton fil, quoi. Hein. Ouais, ouais. Et si tu veux, c'est un DVD, c'est un jeu vidéo, donc on passe sur la télé. Et voilà, tu choisis ton poisson, donc ton espèce de poisson, ta puissance, donc de 1 à 5. Voilà, donc ta truite, cendre, etc. Et tu t'amuses comme ça, et en fait, le système va enrouler le fil de manière plus ou moins rapide sur le moyeu du moteur, et va te prendre du fil, et faudra récupérer le fil avec la canne à pêche. C'est assez réaliste en termes de sensation. T'as vraiment l'impression d'avoir un poisson au bout de la canne. Et puis, bah, du coup, t'as la vidéo. Voilà, c'est assez rigolo, quoi. Donc, il y aura ça. Et il y aura aussi de l'initiation, normalement, à la pêche en barque pour les adolescents. Par contre, pas pour les enfants, mais pour les ados. Les inscriptions sont à faire sur place. Directement sur place, ouais, ce sera assez simple. Sur place aussi, il y aura un marché du terroir, il y aura d'autres animations également. Ah oui, oui, en fait, on a 3 pôles, on va dire un petit peu. On a les activités de détente et de nature, donc là qu'on a évoqué. Le territoire et le terroir avec des producteurs locaux, un petit marché paysan et l'office de tourisme qui va venir présenter, renseigner les gens sur des idées de sortie, etc. La nature, le patrimoine. Et puis, on a un autre pôle, protection du vivant et de la biodiversité. Donc avec du kamishibai, on a le conservatoire des espaces naturels qui vient, donc avec quelque chose de ludique, accessible aux enfants. On a notre association locale qui est formidable, la faune et flore aquatique de Lorraine, qu'on connaît, c'est un peu une vigie subaquatique, on peut les qualifier comme ça. Ils font des films extraordinaires et d'ailleurs on a bossé avec eux, je ne sais pas si on pourra en parler. Et puis on va avoir, alors là c'est un atelier qui dure longtemps, il faudra s'inscrire à l'avance, une fresque de la biodiversité. On a parlé que c'était, qu'il y avait des labels hein, sur ce site-là, le label Station Pêche et le label Parcours Famille. C'est une exception en Meurthe-et-Moselle ou ça existe ailleurs aussi ? En Meurthe-et-Moselle, il y a 2 parcours famille. Il y en a un à Baccara, au centre-ville, donc sur le parc Michaud, là, le parc municipal qui est situé derrière la mairie, en rive gauche de la Meurthe. Et il y a Liverdin, en sachant que le label Station Pêche donc n'est attribué qu'aux communes qui ont le label Station Verte, et que Liverdun est la seule commune en Meurthe-et-Moselle à avoir ce label Station Verte. Voilà, avec d'autres projets peut-être ? Bah déjà, on va déjà continuer à faire nos initiations à la pêche en famille, parce que c'est quelque chose qui marche, et puis voilà, les labels sont bien établis. On a communiqué, alors Clotilde, tu parlais de l'association Faune et Flore Aquatique de Lorraine, c'est important de dire qu'on a réalisé un film l'année dernière, qu'on sort là cette année parce qu'on l'a eu un petit peu tard dans l'hiver, donc voilà, là on en fait la promotion, c'est l'occasion, cette fête de l'écotourisme du 11 juin, et l'occasion aussi de présenter ce film-là, qui s'appelle « La pêche à Liverdun, un art de vivre » à nos partenaires et au grand public, parce que ça, voilà, ça présente la pêche à Liverdun et les activités un petit peu annexes, tout ce dont on vient de parler et qu'on valorisera dans cette belle journée du 11. Le 11, donc, de 14h à 18h à Liverdun. Je vous laisse peut-être un dernier mot concernant cette journée, Clotilde. Peut-être simplement dire merci. Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés à monter ça, parce qu'on est quand même assez nombreux. Bien sûr, notre partenaire principal, c'est la Fédération de pêche. Mais tout le monde donne un coup de main. Hein, le réseau Station Verte nous aide pour la promo. Les associations locales sont présentes. On aura vraiment quelque chose de sympa. Du slow tourisme, du calme, du lent, du temps pour soi. Et ben, on espère que les gens auront l'occasion de passer par Liverdun le 11 juin. Voilà, le rendez-vous est pris. François, concernant aussi l'actualité de la Fédération, je crois qu'il y a une date à retenir aussi un peu plus tard. Oui, le 22 juin. Je propose une initiation à la pêche de l'aspe au leurre. Alors l'aspe, c'est un poisson dont on a déjà parlé ici il y a quelques mois, voire quelques années. C'est un poisson carnassier, donc qui attaque des leurres en surface. Donc c'est une pêche super funky, assez rigolote. Et donc du coup, voilà. Alors c'est sur inscription, c'est 20 euros la séance par pêcheur, il y a deux places. Il me reste les deux places de dispo pour l'instant, donc c'est le 22 juin. Les inscriptions sont à faire sur le site de la fédération www.pêche-54.fr. Un autre site à retenir, c'est celui de la commune de Liverdun, bien sûr, c'est liverdun.fr. On va retrouver les infos hein, pour cette fête de l'écotourisme le 11 juin. Tout sera indiqué, il y aura le programme détaillé et puis tout sera inscription sur place. Eh bien, rendez-vous le 11 juin à Liverdun. Merci beaucoup Clotilde Cochet, merci François. Merci. Merci. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission podcast sur le site internet de la radio www.fadjet.net. Émission Au fil de l'eau. Au fil de l'eau, avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique.